petits pas. Petit pas, et voici ce qui, bien malgré lui, est devenu le générique de Cargo Cult, c'est-à-dire le bruit de ce réfrigérateur, réfrigérateur concret, s'il en est, passé par les aléas de la machine, les triturations électrogénétiques et compressions diverses. Bonjour Jean-Philippe Renaud avec vous et c'est Cargo Cult jusqu'à midi. Et on va être relativement dans le sujet des compressions diverses et manipulations électroniques parce que c'est d'un disque, alors un peu plus mythique, qu'on va parler aujourd'hui en guise de disque culte. Bienvenue sur le I Hear a New World, oui, un bien nouveau monde auquel je vous convie, et qui est celui de Joe Meek. Album posthume de Joe Meek. Et Joe Meek est un personnage dont la production, tout comme la vie, un vrai personnage de roman, en fait. Et quand bien même on va se focaliser quand même assez spécialement sur l'album I Hear a New World aujourd'hui, ce sera difficile d'ignorer en filigrane la vie totalement déjantée, déréglée et géniale aussi de cet inventeur britannique. I Hear the New World, un disque donc de 1960 et qui voit le jour en 1991 seulement. Incroyable mais vrai. Alors pourquoi ? Est-ce que le disque était invendable ? Il faut croire que oui, on va rapidement comprendre pourquoi. Mais surtout, c'était un disque dont les obsessions trahissaient totalement les lubies de son auteur. I Hear the New World, c'est un disque qui va faire hommage à la vie extraterrestre, et qui est en fait un disque d'accueil pour ces 10 extraterrestres. Alors attention, ces extraterrestres, ils sont bien campés, ils ont des petits noms, ils viennent de la Lune. Joe Meek n'a pas été cherché si loin que ça, et il s'est attaché à la vie de deux tribus en fait, qui se partagent la Lune, ce sont les Saros d'un côté, et les Dripcots de l'autre, voilà. Alors l'un et l'autre ont leur rituel, leur technologie, bien sûr largement plus avancée que la nôtre. Il va de soi qu'ils ont des vaisseaux spatials, ils se déplacent extrêmement facilement dans l'univers, font des lointains coucou à qui il veut bien les entendre sur la planète Terre, mais c'est des gens qui se moquent totalement effectivement de ce qui se passe ici-bas. Ah, si ce n'est qu'effectivement, il y a quand même des gens éclairés et illuminés, au sens propre évidemment, comme Joe Meek, qui savent les entendre. Et quand Joe Meek se targue de faire un disque d'hommage, comme ça, d'accueil à une population extraterrestre, c'est pas une blague du tout. Il y croit dur et fort. Joe Meek est quelqu'un dont les obsessions et les croyances dur et fort le mèneront très loin. Alors le mèneront à la catastrophe, l'histoire va finir très mal, il se suicide après avoir tué sa logeuse, il retourne l'âme contre lui dans la foulée. Alors on n'en est pas là, on en est en 1960, où quand Joe Meek compose ce disque, il est dûment obsédé par la technologie de son époque. C'est un technicien avant tout, Joe Meek, et si j'ai l'air de le présenter comme un artiste, en fait l'histoire le retient comme un producteur. Et c'est un producteur extrêmement avisé. On lui doit l'énorme tube instrumental Telstar. C'est un disque qui paraît en 1962 sous le nom des Tornadoes. Et c'est une track instrumentale. Donc c'est assez rare de se placer comme ça au sommet des charts avec un morceau instrumental. Il va être à la fois numéro 1 en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs, dans toute l'histoire du Billboard, le premier hit classé number 1 aux États-Unis. On est ici dans une période pré-Beatles, c'est intéressant de le dire. Parce qu'effectivement, quand les Beatles vont passer, dès le début, le monde va changer. Donc, en cette période pré-Beatles, des maisons de disques font la loi, Decca, etc. Il n'existe pas de place pour la musique indépendante. Sauf celle que justement va camper Joe Meek. Joe Meek va être à la tête d'un label, ça s'appelle RPM, d'un studio qu'il va construire dans le nord de Londres, Holloway Road. Aujourd'hui encore à Holloway Road, 340, là aussi, tous les studios, il y a une plaque commémorative. Et de là vont sortir une ribambelle de disques, assez lointainement inspirés finalement C'est presque du Motown à l'anglaise, dans le sens où il y a une production de tubes à satiété, de morceaux à tire-larigot. Beaucoup sont ratés, certains sont fabuleux. Et voilà, et plusieurs prête-noms avec des musiciens qui sont des sidemen un petit peu permanents. Et surtout, un homme orchestre, un homme studio génial, Joe Meek lui-même. À un moment où Joe Meek opère, on est en pleine fascination pour l'ère spatiale, hein, l'ère nucléaire aussi, on est au début de la guerre froide, tout le monde est parano, alors spécialement Joe Meek, vous allez vite comprendre comment, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais il y a chez lui un instinct fabuleux, c'est celui de comprendre que les techniques de studio sont un instrument, au même titre que la guitare, au même titre qu'un chanteur, au même titre que ce qui compose un groupe de rock d'ordinaire. Et lui, ce qu'il adore, c'est démonter les équipements, c'est les modifier, augmenter leur capacité, changer les résistances, etc. Hein. C'est comme ça que Joe Meek va construire ses propres compresseurs. Et de fait, c'est le premier à utiliser la compression dans le rock, dans la pop. Chose qui paraît évidente aujourd'hui, en fait. Il semblerait qu'elle ait toujours été présente. Ben non, en fait, pas du tout. Donc oui à la compression, c'est lui qui l'invente, en tout cas, qui la développe sur les standards de la pop musique. Exactement la même chose au niveau de la stéréo, c'est-à-dire qu'avant les productions de Joe Meek, les premières dates de 58, pas de stéréo, elle n'était pas réservée, le rock'n'roll était une musique droite, directive, et c'est vrai que bon, plus le son est mono, plus il est péchu d'une certaine manière, mais ça n'empêche pas que la stéréo a ouvert un monde et plus d'un monde, ça c'est pas à démontrer. Voilà, et puis il fabrique ses propres equalizers, des chambres d'écho, des reverbs dont il va user, mais alors largement. C'est-à-dire largement, c'est même outrageusement pour l'époque. Et le disque que vous allez découvrir, vous allez voir, s'en prive pas. Mais cet abus va finalement ouvrir des portes à plein de terres chercheuses du rock et de la pop. Et en ce sens-là, Joe Meek est paradoxalement quelqu'un qu'on aurait probablement mieux vu dans les BBC Radiophonic Workshop, ou alors encore, je sais pas, à Cologne, ou aux côtés de Stockhausen, ou même au GRM en France. Mais non, Joe Meek, donc, il est dans son propre monde, fait de pop, fait de rock. C'est quelqu'un qui est un énorme admirateur de Buddy Holly. Mais à un point où il pense être en liaison d'ailleurs télépathique avec Buddy Holly, et il est tant et si bien en liaison télépathique avec Buddy Holly que un jour de 1958, en février 1958, Joe Meek rêve de la disparition, de la mort de Buddy Holly. Et il s'en alarme énormément, il crie autour de lui, Buddy Holly va mourir. Tout le monde lui rit au nez parce que Buddy Holly est toujours vivant. Or, un an après, le 3 février 1959, mais quasiment jour pour jour après les prévisions alarmées et alarmistes de Joe Meek, Buddy Holly meurt. Et dans les conditions qu'on connaît, son avion se crash, aucun survivant, il y avait même Richie Valens à ses côtés. Bref, deux icônes du rock, surtout une extrêmement flamboyante, Buddy Holly qui disparaît. Donc oui, effectivement, Joe Meek avait vu ça, Joe Meek avait entendu ça. Alors par qui, par quoi, on va arriver maintenant à la personnalité complexe et torturée de Joe Meek. Effectivement, Joe Meek est très attiré par le culte, ce qui est finalement un pendant quasiment logique à son obsession aussi avec l'espace, les extraterrestres. Et c'est quelqu'un qui est outrageusement paranoïaque. Chercher un mot qui puisse aller au-delà de la paranoïa, mais je crois que chez lui, il n'y a pas. Et qui plus est, shooté aux barbituriques et aux amphétamines de toutes sortes. Donc, il travaille sans relâche. All Away Road est un studio qui tourne sans cesse et sans cesse et sans cesse. Mais les excès de toutes sortes de Joe Meek le font qu'il pète largement les plombs. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va être repéré. Phil Spector l'appelle un jour au téléphone. Voilà, Phil Spector lui-même. Alors, autre producteur légendaire est lui aussi totalement dérangé, en fait. Je crois qu'ils sont à égalité, Joe Meek et lui. Et Joe Meek, en fait, très content d'avoir Phil Spector, raccroche juste après en disant « Ouais, il m'espionne, il veut voler mes trucs, etc. » Joe Meek est convaincu pendant des années que Decca, grande maison de disques majeure à l'époque, et pas mal d'autres, lui envoient des espions, ont truffé son équipement et son studio de microphone espion. Voilà, donc les colères absolument légendaires de Joe Meek se répètent à satiété. Et des fois, tombent pas bien. un jour, quatre jeunes gens de Liverpool viennent le voir, totalement en admiration devant les productions rock'n'roll de Joe Meek. Il dit, voilà, on fait de la musique, on voudrait bien que ce soit vous qui fassiez le son. Il les envoie balader et que, immédiatement, pour lui, c'était des petits cons, il n'aimait pas leur coupe de cheveux, c'était les Beatles. Voilà, donc Joe Meek a entre autres raté les Beatles, et il a fait des ratages absolument fabuleux. S'ajoute à cela, je parlais d'une personnalité complexe, tourmentée, torturée et qui plus est sous amphétamine les trois quarts du temps. Il est aussi homosexuel et être gay dans l'Angleterre des années 60, en 1960, c'est pas juste moralement répréhensible, c'est hors la loi. Et donc il va avoir des problèmes avec la police, il va être surpris plusieurs fois dans des lieux de drague, en général des Vespasiennes, et donc arrêté, en garde à vue, sous caution, et tutti quanti. Tout ça calme pas finalement les ardeurs de Joe Meek, et ça se retourne en général contre ses proches et ses productions. C'est dire que quand sort enfin en 1991, le disque Air the New World, c'est finalement le testament de Joe Meek qu'on a enfin. Alors, testament qui, pour le peu, avait été rédigé dès 1960, mais c'est le disque de chevet de Joe Meek, c'est celui qu'il a toujours voulu faire, et c'est celui qui n'a pu sortir que de manière extrêmement parcellaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a déjà eu une première édition, mais c'est sous la format sous une forme de 45 tours, avec quelques voix rajoutées dessus, et qui concerne juste la première partie du disque. Et la deuxième, elle, et encore ce premier 45 tours, est resté au stade de White Label, l'expression se prononçait pas à l'époque, mais il y a eu moins de 100 copies, 100 promo copies qui se sont baladées comme ça. Alors qu'ils font le bonheur du marché collecteur d'ailleurs. Toutes les productions de Joe Meek sont highly collectible et référencées aujourd'hui. Bon, c'est un de ses gemmes, hein, comme la pop anglaise, c'est les fabriqués ou même c'est les postes fabriqués quand il s'agit de construire une légende après coup. Et Joe Meek en est bien une. Mais la deuxième partie du disque, celle qui le constitue, celle qui boucle finalement cet album concept, elle n'avait jamais vu le jour. Donc elle voit enfin le jour en 1991. Et évidemment, elle est adulée par tous les zélateurs de l'électronique de l'époque, par Brian Eno, par Richard James, Aphex Twin et les autres. Parce qu'effectivement, il y a de ça dans ce disque-là. Et c'est ça qui est étonnant, parce que c'est foncièrement un disque d'easy listening, mais en même temps, il est totalement dans l'avant-garde électronique. Et de manière pas strictement volontaire, c'est ce qu'en fait finalement le charme absolu. Je vous propose de découvrir maintenant ce disque et les deux faces entières, hein, qui étaient restées longtemps inaudibles. Donc, je vous le rappelle, un disque de 1960, composé, créé en 1960, maquetté en 1960, et dûment produit avec les moyens personnels de Joe Meek à l'époque, mais seulement paru en 1971. Donc bienvenue dans ce nouveau monde dont vous êtes à l'écoute. C'est notre cargo culte du jour avec Joe Meek. À tout à l'heure. Thank you. Beyond. Fuck. Thank you. Wheedle, wheedle, wheedle, wheedle. Was it the Teletubbies? Wheedle, wheedle, wheedle. I hear a new world. Est-ce que vous l'avez bien entendu? Voilà le monde utopique, irréel, fabuleux de Joe Meek. Donc, producteur de légende, et son disque Testament, son disque culte, son disque de cheval, mais qui n'a pas sorti donc, de son vivant, de 1960. I hear a new world. Alors, il y a quand même eu des espèces de... Ce disque a servi de maquette géante, finalement, à d'autres sorties, d'autres productions de Joe Meek. Et du coup, le temps qui m'est imparti me permet de faire un petit peu un florilège, comme ça, de productions de Joe Meek, tout aussi imparables les unes que les autres. Alors tout d'abord, une qui reste relativement dans les clous, finalement, ça va être celle des Outlaws. Hein, c'est un des groupes, un des multiples groupes qui a été produit par Joe Meek. Et le thème qu'on entendait, justement, à l'instant, derrière The New World, devient, finalement... plutôt une forme de pop musique moins spatiale alors, mais toujours orchestrée, toujours dûment produite et manipulée par Joe Meek. Parce que ce qui est extraordinaire chez Joe Meek, c'est que finalement, c'est le chaînon manquant entre Stockhausen et les Teletubbies. Et de manière strictement intuitive. C'est là que finalement son travail est formidable. Le voilà dans un exercice de pop, donc directement enraciné dans les travaux et dans les titres de I Hear the New World. Vous allez reconnaître le thème immédiatement. Thank you. Voilà, les Outlaws, donc un des groupes incarnés et produits par Jomic. Et peu de temps donc après la non-parution de l'album, il est enregistré en 59, et quelques promocopies, comme je le disais, mais parcellaires d'ailleurs, vont commencer à être distribués dans les années 60, mais moins de 100. Par contre, ce single-là, lui, a du moins existé en 1961. Jomic est... Je reviens sur cette définition finalement qui m'est venue comme ça spontanément de définir le producteur entre Stockhausen et les Teletubbies me paraît finalement plus en plus à propos, ne serait-ce que parce que Stockhausen et lui partageaient probablement les mêmes lubies, hein, et l'autre pensait venir comme ça d'une planète étrange et surtout être en lien permanent avec eux. Voilà, chez Jomic il y a quelque chose de relativement illuminé aussi. On va en avoir la preuve de plus en plus avec quelques-unes des productions que je vous propose de découvrir. Celle-ci me tient assez à cœur. On est en 59, je crois en 60 aussi. Il ne faut pas oublier chez Jomic une propension à l'easy listening évident. Il y a chez Jomic un florilège de beaux jeunes hommes qui produit. J'insiste sur le côté beau jeune homme parce qu'effectivement, même si Jomic fait secret de sa sexualité à l'époque, il est poursuivi pour homosexualité. Je rappelle que c'était juste illégal en 1960 d'être gay en Angleterre. C'est non seulement moralement pas bien vu, mais c'est illégal. Donc c'est prison, donc c'est amende, donc c'est procès, etc. Donc Jomic a une vision comme ça très... Voilà, hein, les femmes font la popote et on peut s'amuser avec les garçons. Les femmes, nonobstant, peuvent aussi être produites par lui et ça peut donner F. Bowsell, qui était quand même une de ses égéries, mais qui n'a jamais fait du rock. Il n'était pas question qu'elle soit sauvage. Les filles chez Jomic, il fallait qu'elles soient plutôt fallait qu'elles soient comme ça, et vous allez voir, dans le genre, c'est quand même tout aussi remarquable, quoi. Sur le pont d'Avignon, mais oui, le nôtre. Sur les ponts d'Avignon, on y danse. Sur les ponts d'Avignon, on y danse tout à rond. Been told, with long fair hair and a heart of gold, who chanced to pass that way one night. She heard that beat and she dug it right. On the bridge of Avignon, all the guys date their chicks. On the bridge of Avignon, they rock and jive away for kicks. Crazy music filled the air, but she could only stand and stare until a boy there caught her eye. He said, come on, baby, let's try. On the bridge of Avignon, all the guys date their chicks. On the bridge of Avignon, they rock and jive away for kicks. Nose and curly hair, she fell in love right then and there. He took her hand and walked her home and promised never more to roam. On the bridge of Avignon, all the guys date their chicks. On the bridge of Avignon, they rock and jive away for kicks. Your step when you're there again. On the bridge of Avignon, all the guys date their chicks. On the bridge of Avignon, they rock and jive away for kicks. On the bridge of Avignon. sur le pont d'Avignon. On s'est revu et corrigé donc par Joe Meek, hein, sous couvert d'une de ses égéries, F. Boswell. Mais comme je le disais, c'était plutôt les garçons avec lesquels Joe Meek avait l'art de cultiver le sauvage. Le temps justement d'évoquer pour nous le néologisme qui s'est inventé bien après la mort de Joe Meek et qui est absolument pratique pour cataloguer comme ça des nouveaux disques et des anciens disques dans les bacs des disquaires, c'est le concept de freak beat. Et freak beat, c'est extrêmement intéressant. C'est un genre post-défini, hein, finalement. Et en l'occurrence, ce sont pré-garage américain, mais fait par les Anglais. Donc, il colle totalement aux exubérances sonores de Joe Meek. Hein. Je le rappelle, c'est l'inventeur de la compression dans le rock, de reverb, chambre d'écho plutôt torturée. Or, ce qui va définir le garage, la musique garage américaine, c'est effectivement une forme de technologie, souvent low-tech d'ailleurs, mais poussée dans ses derniers tranchements. C'est-à-dire que c'est l'avènement des fuzz guitares, de pédales de disto, comme ça, extrêmement puissantes et clairement mis en avant. Or, chez Joe Meek et quelques producteurs comme ça, c'est assez malin, anglais, il y a effectivement ce proto-garage qui doit énormément à des techniques comme celle-là, voire des inventions qui n'avaient pas du tout été vues ou entendues ailleurs. Et s'il y a un titre de Joe Meek dans ses productions qui fait légende aujourd'hui, c'est celui qu'on va entendre. Crow Daddy Simon, par les Syndicates. C'était une phase B. Ouais, une face B. Impossible de l'imaginer comme une face A. Et c'est pourtant celle-là, hein, qui fera l'histoire et qui deviendra culte. La face B la plus recherchée sur le marché du collector britannique pendant des années. Et avant ces rééditions, parce que maintenant elles en ont connu quelques-unes, je peux vous dire que ce disque s'arrachait quand même pour le prix d'un bras et demi. Et tout ça pour 3 minutes 10 de bonheur, mais de production absolument, mais alors, incroyable, mais totalement assumé aussi. Et des choses qu'on ne pouvait imaginer que sous les pattes des sorciers du son du GRM ou bien des BBC Radiophonic Workshop. C'est-à-dire qu'il y a un doublage de la partie de batterie, par exemple. Il y a un break de batterie, vous allez entendre, qui est complètement phénoménal, très très présent, et il est multiplié par deux, donc devient une espèce de solo de batterie complètement improbable. Il y a aussi une superposition en reverse d'un chorus de guitare. Nulle part, on avait entendu ça dans le rock avant. Et finalement, on l'entendra bien après, mais peu. Et de manière probablement moins instinctive et moins intuitive que celle-là. Alors, évidemment, on est déjà après le disque qu'on sculptait aujourd'hui et qui nous réunissait, c'est-à-dire le I Hear the New World, de 1960, comme il y a même qui sort en 1991. Là, on est donc en 1965, en plein pied dans le... ce qu'on appellera le freak beat, mais évidemment bien après la mort de Joe Meek. Alors mort qu'on évoquera juste après ce morceau d'ailleurs, mort tragique, mais qui fera de lui définitivement une légende. Crow Daddy Simon et son double break de batterie superposé. Écoutez-moi ça, c'est totalement inouï pour l'époque. Cheating was his trade, a seller of lies, a heart so cold, he seemed to hypnotize. He always walks alone, Crawdaddy Simone. He had no axe to grind, you never saw him smile, but his luck was good, dressed in style. He always walks alone, Crawdaddy Simone. He ain't got no friends, he ain't got no friends, he ain't got no friends yet. Yeah. Hey baby, listen, fella. some black day. Crawl that it will show. If it comes your way, a man you better go. Just leave him alone. Crawl that it's some more. Yeah. Oh, he ain't got no friends. He ain't got no friends. He ain't got no friends. He ain't got no friends. He always walks alone. Crawl that it's some more. Oh, here we go. Crawdaddissimo, he's got no friend, comme le dit la chanson. Alors voilà, on est à notre Joe Mick là dans Puissance 1000. On peut pas s'empêcher de lire un sous-texte hein, dans Crawdaddissimo qui a pas d'amis. En 1965, il est clair que Joe Mick, il a plus d'amis, il pète les plombs de partout, il est ultra paranoïaque, il est sur barbiturique et amphétamine pratiquement constamment, et en plus ses amours vont mal. Mais alors vont mal à un point où il va faire l'effet divers bien malgré lui, alors pas tout à fait directement, mais l'ex-petite amie de Joe Mick va être retrouvée littéralement, le corps dépecé, réparti dans deux valises distinctes, abandonnées dans un jardin, dans une banlieue sud de Londres. Alors, inutile de vous dire que ça a fait quand même... Ça a fait les choux gras de la presse à scandale, ça c'est évident. Mais évidemment, ça a aussi inquiété Joe Mick. Il a été entendu par la police. Heureusement, il était disculpé finalement très très très vite. Mais il y a eu toute une opinion publique alors qu'il s'est déchargé, à qui mieux bien sûr, sur les communautés homosexuelles qui étaient plus ou moins cachées, parce que je vous rappelle, c'était interdit à l'époque et condamné par la loi. Mais là, tout d'un coup, un scandale de cet acabit suffisait à mettre le feu aux poudres. Ajoutez à ça que le jeune homme qu'on a retrouvé assassiné avait 17 ans et demi. Quoi. Donc voilà qu'il ne pouvait pas arranger les choses. Et cette histoire-là, elle précède de quelques mois, enfin vraiment à peine quelques longues semaines finalement, le drame, la mort de Joe Mick. Et là, je rappelle que Joe Mick donc, travaille comme producteur indépendant chez lui, à Londres. Il est au nord de Londres, à Holloway Road, au 304 Holloway Road exactement. Et il fabrique finalement le home studio, premier home studio de l'histoire. Alors, le home studio prend forcément de la place. Et il y a chez Joe Mick une convocation d'instruments certes électriques, mais aussi éventuellement acoustiques. Et en l'occurrence, il avait trouvé que les violons sonnaient mieux dans la cage d'escalier. Le problème, c'est que la cage d'escalier, c'est la cage d'escalier. Il est emprunté par tout le monde. Et donc, l'immeuble est devenu quasiment impraticable à cause des grands délires et des prises de son dont avait besoin Joe Mick. Donc sa logeuse, elle s'en est furieusement prise à lui, et après multiples menaces, elle a été retrouvée au cœur de son studio. Et c'est une femme très populaire du nord de Londres. On est dans un quartier qui correspondrait un peu aujourd'hui à... c'était un coin plutôt pauvre, quoi, à l'époque. D'où le fait que Joe Mick ait pu s'installer facilement et aussi accaparer plusieurs pièces. Mais la discussion se passe extrêmement mal. Enfin, tant et si bien que Joe Mick pète un plomb, sort une carabine que lui a prêté d'ailleurs quelques semaines auparavant un de ses musiciens qui l'avait produit, un de ses musiciens fétiches, qui était, je ne suis plus très sûr, c'était soit John Layton, ou soit un autre, mais je ne sais pas rentrer dans le détail de toutes ses productions, parce que dans ces cas-là, on ne s'en sort jamais. Toujours est-il que Joe Mick trouverait mieux que prendre le flingue et tirer sur la logeuse. Elle est morte. Il la tue et il n'a pas même conscience d'ailleurs de son geste. En tout cas, quand il en prend conscience, il retourne l'arme contre lui et se tue lui-même. Voilà. On est en 1967, le 3 février 1967, pour un jeune homme donc né en avril 1929. Donc une vie assez courte, une vie assez intense. un personnage totalement romanesque, dont d'ailleurs un film a été inspiré. Bon, j'ose pas le recommander, ou alors vraiment du bout les lèvres pour les fans. Par contre, il y a une biographie très bien foutue qu'a écrit John Ripush, The Legendary Joe Meek, The Telstar Man, dont je me suis inspiré, bien sûr, pour vous parler aujourd'hui, mais pour laquelle j'aurais pu rentrer alors, dans des dessous et des redessous, parce qu'il y a plein d'angles d'entrée, finalement, avec Joe Meek. Et je vous recommande là particulièrement cette lecture, c'est les éditions Cherry Red, à la fois label et publisher de bouquins qui ont sorti ça il y a déjà quelques années, mais c'est toujours trouvable. Voilà, on va pas se quitter sans un Joe Meek. Et voilà, et un petit blues, un blues de sortie. 1966, c'est une de ses toutes dernières sorties. Et c'est pour le compte de Eddie Jackson. Au revoir, à la semaine prochaine, où nous parlerons du disque Parallélogramme de Linda Perrac. Ciao, à bientôt. Ah, je suis pas sûr qu'on veuille de mon morceau.